de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. On se retrouve pour l'émission Hint à Brezhoneck, Kentel Pemkan. Oh non, Nado Hugen, comme dit Henri. Il ne dit pas une non, il dit oh non. Ja. Madame Traoré. Ja, Matri. Matri. On commence par Gerriou Arvué, comme d'habitude. Oui, alors aujourd'hui, c'était le nom d'un animal. On fait de temps en temps le nom d'un animal ou d'une plante. Hein. Et aujourd'hui, c'est Hasen. J'adore ce mot. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup, ça sonne bien. Ah oui. On y, je n'ai que d'on Hasen, on Hasen n'est que d'ojo. Hein, il y a une Paul Kaplan sur cet air-là. Hein. Un bœuf n'est pas un âne et un âne n'est pas un cheval. Hein. Et à PV Mamgos, Robert Cramp, pousse ne veut que de paye à pato. Oui, j'aime bien cet air-là. Et alors, donc, Onazen, hein, c'est, bah oui, c'est un personnage de plein de contes, de fables, de. Donc, c'est l'âne. Mm. Voilà. On le retrouve dans des lieux dits. Il y a un lieu dit Toulazen à Rostrum. Oui, Toulazen, oui. Mm. Et puis, Pontanezen aussi. Ah oui. Prison. Le pont aux ânes. C'est un quartier de Brest, hein. Alors on verra que c'est un pluriel irrégulier, Hasen. C'est pas le nom de la prison aussi, Henri, à Brest? Ah ben c'est possible qu'elle soit dans ce quartier-là, oui. C'est un quartier qui a pas une très bonne réputation, Fontaine-Hasen. Voilà. Alors c'est un Hasen, donc c'est un mot masculin qui existe également sous la même forme en gallois et en cornique. Et donc c'est un mammifère équidé comme le cheval et comme le zèbre aussi. Hein. Alors le mot breton, comme le mot en cornique et en gallois, vient du latin asinus, qui a également donné le français âne. Asinus, hein, on a ça dans... Il y a un potache qui est resté inconnu, qui a été un potache breton qui apprenait le latin, qui a fait cette rime asinus asinum fricat de oise non lipat. Ce qui veut dire En latin et en breton, deux ânes qui se lèchent l'un l'autre. Voilà. Asinus, donc, a donné le français âne aussi, hein, donc avec un accent circonflexe qui remplace le S latin, hein, qui est resté qui a disparu en français et qui est resté en breton. Voilà. Alors, le mot breton âne a deux pluriels. Un pluriel régulier qu'on entend le plus souvent, asenet. Et un pluriel irrégulier qui est Hasen. Donc je disais pour donner Hasen. Voilà. En français, il y a beaucoup de noms de l'âne. Hein. Le baudet, le grison, la bourrique, le bourricot. Et puis dans les contes et dans les fables, il s'appelle Martin en général. Ah oui, là, ouais. Martin. Il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Voilà. Alors, l'âne sauvage, c'est en français, c'est l'onagre. Hein, c'est un mot qui vient du grec onagros, qui a donné son nom à l'onagre, qui est une plante que les ânes aiment bien, en principe, l'herbosone. Oui, une plante avec une belle fleur jaune, qui sent très fort. Oui, qu'on appelle le notaire aussi, hein, qui pousse à l'état sauvage sur les côtes. Hein. Voilà, alors c'est un animal de trait. Ou de charge, hein, c'est-à-dire qu'on lui met un bât, hein, un âne batté, hein, et que c'est une humble monture, c'est un symbole d'humilité. Hein, c'est pourquoi le Christ, quand le jour où il est rentré à Jérusalem, le jour des rameaux, était sur un âne, le cheval étant la monture noble et l'âne étant la monture des pauvres. Et puis c'était un animal qui était très répandu autrefois dans l'Orient, et actuellement encore d'ailleurs. Il y avait des troupeaux d'ânes sauvages. Oui, il y a des troupeaux d'ânes sauvages, oui. Ouais, en Asie centrale. Oui, oui, voilà. C'est fou. Oui. Et donc, c'est un animal qui est très symbolique, hein, au niveau biblique, hein, puisque on le retrouve dans la crèche, hein, dans les cantiques de Noël, on trouve ça très unige, nagenazen, hein, entre l'âne et entre le bœuf et l'âne, oui, voilà. D'ailleurs, dans le cantique Petrus Warenduar, il est précisé « Vitomant ivam prune deus medo alan pour chauffer ses membres, il n'a que leur haleine. Hein, alors ça, c'est pas tiré de l'Évangile, hein, c'est Saint François d'Assise qui avait imaginé cela à partir de textes qui sont post-évangéliques. Hein, voilà. Et c'est lui qui a imaginé la crèche de Noël, hein, avec le bœuf et l'âne, bien sûr. Alors, bon, on le trouve dans beaucoup de choses, hein, dans beaucoup de contes, hein, comme par exemple moi je me souviens quand j'étais gamin, on nous racontait l'histoire des ânes de Lucas, là, Frange Lucas de Kermorvan, qui avait acheté 6 ânes à la foire de Bulat, avec le prix de ses 2 juments, et en revenant, il avait largement fêté l'achat des 6 ânes et il était monté sur l'un des ânes, quoi. Et en arrivant à la maison, il avait compté ses ânes un peu avant, il trouvait que 5. Puisqu'il ne comptait pas celui sur lequel il était. Et alors, sa femme l'attendait, courroucée. Et alors il lui explique qu'il ne trouve que 5 ânes et sa femme lui répond, c'est au fin du scami voile 6. C'est curieux car moi j'en vois 7. Et puis des tas d'histoires comme ça, hein, avec l'âne. Hein. Alors une ânesse, on dit une azénèse, hein. Un darnazen, c'est un baudet, c'est-à-dire c'est le croisement d'un étalon et d'une ânesse. Et un mule, c'est un mulet qui est le croisement dans le sens inverse, c'est-à-dire d'un âne et d'une jument qu'on appelle mulassière à ce moment-là. Alors, le symbolisme de l'âne, c'est à peu près le même qu'en français, hein, têtu, hein, pencal et velonazen, et saut, hein, onazen, hein, saunazen, hein, quand on dit de quelqu'un, c'est un âne, c'est pas un compliment. Et c'est pourquoi d'ailleurs on mettait aux enfants pour les humilier un bonnet d'âne, bonnet d'âne ou togazen. Voilà, le coup de pied de l'âne aussi bien connu. Hein. Oui, vengeance tardive. Voilà. Une expression que j'ai entendue plus souvent qui a plusieurs sens, reitier de nasen, donne de l'avoine à l'âne. Ça peut avoir un sens figuré. C'est-à-dire de donner de la vigueur sexuelle à quelqu'un qui en manque. Ah voilà, d'accord. Reitier de nasen. Voilà. Alors en botanique, il y a pas mal de plantes, hein, qui sont. J'ai parlé tout à l'heure de l'onagre. Il y a le tussilago aussi, hein, qui est une plante qui a des grandes feuilles là et qui a des fleurs jaunes, qu'on appelle le padane. Et puis il y en a un autre aussi qui a un nom, le nom scientifique Onobrichis, hein, c'est le sainfoin. Donc en grec, c'est la plante qui fait braire les ânes. C'est-à-dire que quand il envoie sur le bord du chemin, il n'a plus envie d'avancer. Quoi. Voilà. Alors, une expression aussi, d'ourazen, hein, la pisse d'âne, hein, en fait, hein, ça désigne un café ou un thé ou une tisane pas tellement dosée. Quoi. D'ourazen. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de fables, hein, sur sur l'âne dans toutes les civilisations. Par exemple, chez les Grecs, il y avait Ésope, hein, qui a non pas écrit parce qu'il n'a rien écrit, mais ces fables ont été reprises et mises en vers par la suite par d'autres. Et Phèdre aussi en latin. Et puis La Fontaine, bien entendu. Hein. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Les animaux malades de la peste. À ces mots, on cria à Rose sur le baudet. Hein, c'est selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ça devrait être mis sur tous les frontons de tribunaux. Parce que ça n'a pas tellement changé finalement. Quoi. Voilà. Il y a aussi une que j'aime bien, c'est l'âne et ses maîtres, c'est-à-dire c'est un âne qui passe successivement entre les mains de plusieurs maîtres, hein, un maraîcher, un tanneur, et il se plaint tout le temps, quoi. Finalement, aucun ne lui convient, quoi. Et cette fable a été traduite. Un patron, c'est un patron. Oui, oui. Même un bon patron, c'est. Bah oui. Il regrette toujours celui d'avant. Voilà. Et ça a été non pas traduit, parce que c'était pas des traductions, c'est Paul de Trébouré, hein, qui était Augustin Conque, donc un prêtre qui est mort en 1952, et qui a d'ailleurs parlé dans Radio Quimerge à l'époque. Et donc, il a traduit pas mal de fois de La Fontaine, enfin, adapté pas mal de fois de La Fontaine. Et donc, Nase Nagivistri. Et c'est toujours très, très savoureux, la langue utilisée par Augustin Conque. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait un petit peu un tour sur l'âne. Hein. On en reste là, alors. On passe. On va en rester là. On passe à la seconde partie. On se retrouve là pour Brézonnec temps matin. En général, c'est un dialogue. Et Chandic, la fille de la radio, se balade à peu près tout le temps du côté de Zantolec ou des villages environnants. Oui, derrière. Oui, alors là, Chandic est allé voir Johan Lendu, le recteur de Zantolec, parce que le premier dimanche de mai, c'est le pardon de Saint-Hermain à Kérizel, à la chapelle de Kérizel. Donc elle va le voir tous les ans pour en parler. Alors on les écoute. Salut d'autres personnes, penons mon compte. Matri Chandic, à Brau en Amser. Larry Dinta, prestique et vos pardons de Chapelle Kérizel. Ja, d'Orzul tient en revise mai, Végret, pardon de Zandern, bah Kérizel. À Petra Végret, Villar, pardon. Oh, pardon de mot de cause, et hein, de tient en auvergne de Beuré, à de Nabde, Gouspero, à Waller, à Véhoariou. Vididu indut, reda de guardro, basiou, jeshiwar gordon, de leur mine pouis, ag trouel ras, ag de nons, nahan ave un tom fez nons, gant kanderian a zonderian de zevro. Rantik zo vid zantern? Aya, rantik a zo begret gant un autre gret, spenkan de lasso, war ton logdate mariam. Peser ton? À un ton zezo, dix, aux andern, tat par aux antolec, chilo, un mio, pet, pedon, au pugane. Bon, ag, dixement, rantique. Merci, bras, aux toutes personnes. À chance, vador, ganar, pardon. Ya, t'y énervé, j'ai l'un, un chornique. Et on va reprendre le dialogue pour le traduire avec Henri. Salut aux troupes personnes, pénonce mon compte. Oui, bonjour monsieur le recteur, comment ça va? Matri Chandic, à Brauer Namser. Très bien, et il fait beau. Larry Dinta, Prestique et vos pardons de chapelle Kerizel? Oui, dites-moi donc, bientôt il y aura le pardon de la chapelle de Kerizel? Ah, il y a, Chanik. Dans une quintan à Vizmé, et vos pardons de Zanterne, bas Kerizel. Oui, le premier dimanche de mai, il y a le pardon de Saint-Hernin à Kerizel. À Petra Végret, vidar pardon? Oui, qu'est-ce qu'on fait pour le pardon? Oh, alors pardon de mot de cause. Hein. Oui, c'est un pardon mot de cause, ça se traduit pas. De Beuret Végret en Auvergne? Le matin, on fait la messe. De Adon Abdei, Argouspero. Et l'après-midi, les vêpres. À Warler, et Véroario, Vididuin, en Dut. Et après, il y a des jeux pour divertir les gens. Reda, Dec, Wardroit. Oui, course à pied. Bazioute, c'est Bazioute. Sachant Wardar Gordon. Oui, tire à la corde. Te l'armine poise. Jeter le poids, le jeu de poids, oui. À Roariboule, où il juste. Et jouer au boule, il juste, bien sûr. À Denose, et vous, il juste à Fesnose. Et bien sûr, le soir, il y a un Fesnose. Quand on n'a rien, à Zonerien, 2 euros. Avec des chanteurs et des sonneurs du pays. Chanique demande. Rantique à Zoévi de Zanterne? Oui, elle lui fait chanter le cantique tous les ans. Il y a un cantique pour Saint-Hernin? Ah, ya. Zaouet Wabet Spenkan Vlasso, quand on a notre trou, Grette. Oui, il avait été composé il y a plus de 100 ans par Monsieur Le Grette, qui était donc le recteur de Zantolek. À Waperson Zantolek, d'Ar de Roussy. Oui, sur l'air de Laudate Mariam. Pesserton. Quel air? Un ton Laudate Mariam, aiguissement. Oui, l'air de Laudate Mariam. Et donc, il lui chante le refrain, qui veut dire « au Saint-Hernin, père de la paroisse de Saint-Aul, écoutez, nous vous prions la prière de vos enfants. » Merci, Braz, autre personne. Merci bien, monsieur le recteur. À chance, va dehors, gandard pardon. Et bonne chance avec votre pardon. Saint-Hernin, c'est le pardon de qui? C'est le pardon de quoi? C'est le saint de quoi? Saint-Hernin, c'était un saint qui est c'est le patron de Locarne aussi. C'est celui qui est monté sur un cerf ou pas? Non, pas spécialement. Il est représenté comment, Saint-Hernin? C'est avec un bâton, parce qu'il avait fait le tour de l'ermitage, ce qui est devenu la Locarne maintenant. Il avait fait un fossé tout autour. On lui avait donné la terre qu'il pouvait englober en une journée. Mais là, c'est à Zantolog, mais on le retrouve à Saint-Hernin aussi, bien sûr. Bien sûr. Bon, voilà. Troisième partie maintenant, dans un tout petit instant. Petra zo neve ar vro, Eri. Ma kalze drao evel just boer vej di ouzan. Krogom dien diantan evel kiz a kustum gant eo la bourdouar hag ur vu e war ar mez. Eru on bremañ ba neve amzer, gwele meus oa hard de kalze maiz oa tro a dro a ye rouz de hard de maiz hag meus gwele oa laket kalze maiz din dan plastik med un amzer chom a zir me meus tra. Bédésir, pas de Gouan, Ville-Pilar, il m'a. Hag, ma tef et un tombe tomder, hag, au Bordeaux, et fait bémod, vide, maïs, à vide, un tréva d'Owell. Parce que Cléve de Goukou, quoi, ça? Géo. Il y a Cléve, me soit, il m'avrou, mais mime, parce que Cléve, n'est. Mais, spi, me soit, c'est plus dur. Caïbop, peut demander, très, tièrement, nous t'as, Goukou, quoi. Bon, vider, un grand de l'arbre d'ouar, blamant, au bé de, M. Vaudou, un dou syndicat de l'arboraire, yon douar, zo babrovrance, oua babreis, blanme, mismeur, zo a M. Vaudou de FNSEA, oua babrest, hag oua l'air zo bé de M. Vaudou de Honf, Honfédération, zo bé ba musiak. Hag un dou syndicat zen, eus menoz you dis henvel, oua l'arbor douar, me mestra velan vit trouzo, N'en que tien pels, n'ai de zedile. Da square vid de pezel de bo Europa, meuslen de, peso beskri ve loa l'erze. Benefine, oan que tien pels de jonge allemand meusmout, ka an ou neun ve febe de, te fe Provence, mez de Europa. Plur, zezo bouez evid de, en er an gonne gant de laborerion doua. Evid de FNSEA, gout de ram vraiment piouzo, président, hein, et Christian Lambert, président de cause ou amar, Bamismeurs, Bamisouir et Pelarin Mott, avec Christian Lambert, Zobé Dilenet, à Ronce au Plar, Pempla, Hunter Khan, à Zo Sevel, mort, Babro Angers. Bon, sais-tu, on tente de spécial névé, ou à l'arbre douar. Wardash et leur politique, ils, bon, crient à cal et des bêtes, un homme sur Kambali, hein, Rogan Drogent, en évident votadek. Hag, bon, vraiment, vos, Redwell, Pessarang, hey, de président noir, cadre d'Agobert, vela, et bon, je compte. L'armoidard, végel, ou abégoulot, gand, rewa, rank, pète, jongeagne de ze yez ou guasket. Hag, zo tri, en eus respondet. De l'art où il y a dû, évite vos zikours de Jésus Guasquet, à Philippe Poutou, à Benoît Hamon, à Emmanuel Macron. Rel n'est que responde mon bête, ma treize n'est que dit d'un grand zé. Bon. Alors, il y a zé wabégou le gant et gant strolat en hand de Hélène, hein, zo strolat. Au ruedat pilar in mod, ou arbre pro Europa, et vid diven leur yezou guasket. Dans bon temps, ou ardache en leur zévenadur. Vraiment. Quand l'assaut, berzek des misébre le minor en seitek, ouaid de nan an, Ludwig Lazar Zamenhof. Ludwig Lazar Zamenhof, pilar in mod, zo, ou attard de riez, être évroad, zo rendre d'un espérantec. Un espéranto, une espéranto, ag un espérantec, une braison. Ag un setu pereg, ne se divise d'un UNESCO, au bord de Zerbla d'Ovi Seitec, Zerbla Zamenhof. Zamenhof, ou abigande, un tamtier, guerriaden, deux, gros Pologne, ag, énan, ou a tud, au comps, Jésus d'Ishenvel, Dern gonté russiande, dern gonté allemande, dern gonté yiddish, dern gonté polonais. À cette uniwajon, j'ai dû j'ai bémot, cadeau yis, d'orliam, très tout d'un dulce. C'est une de ce guet d'or yis, gand, yis, zave, grand temps, hein. Gand, tapo guerrier, on tombe, de ce pipe sur yis, de ce latin dreistol. Hag, bon, c'est tu, war ur bet zo, tro daou million de dut, hag, zo, hag war esperant ek tampedam. Hag, hez ni wa, gred, ba blami leiskan seiz a perugel, ni wa gred, tient tan lever, esperant ek. Eguit, russian ne wa begret, Hag waler wa betro de galag polone g italien g zoz g. A Triblasso, Triblasso vegred kentel yo esperante g ba bour purut grand Alain Bournel. Hag breiz, breiz am zo dro ar dro pem kan dud hag war esperante. A bep trimis ve im bande gante or gelaouen un esperante. Bon, c'est eu un temps de spécial moyen de l'art war war en drazi. Pe on kom de skand lasso, kand lasso, ben, kasi war ba mam eus deo, pudur per de rog zamenov, oa belar ad yann berk alor, ba war en talben, ba brez el perzek. Hag yann berk alor, oa on din deus eind eus greiz, hag gannet ba imil eiz kan eiz a perugen. Hag deus o fami pesketer yann oa, hag ni oa skriv de abrid, ni oa, oa krog de skriv o barzenon, barzonego, din dan ur naout blu un bleimor. Hag barzonego zez o bed, barzonego zez o bed im bande de eisla oa ler oa mar yann berk alor, quoi. Hag in belaket ban o, o lever zo begret gante ar eudelin, j'ai une fille à voir un daoulin, hein, raison de velvé comme de nom. Ni comme ham, c'est raison de velvé l'art d'Alice. Hag, bon, au nom de Zohan Avenmar, des mises aux gandes de Kreisermoor, ou à Bellac de Gren un ton grand de Paul Le Flemme, à Zogbican de Grand Calz, Gandérien, vel Gilles Servan et Nevesso, mais Grand Calz Ariel Rogue. Mise au grand le Kreisermoor, terre les Hermès. Bonne. Nevesso, puis on compte ce stud est de Nornangle, mais Raymond aide quand l'assaut de Nornangle, mais Nevesso et aide Victor Hunter de Scalac de Nornangle. Avec Victor Hunter, où on dit Trisegla à Perugen. A oa chom bakalag hag hez war eo bern tro war nam, war nam zor gwezhel a war, war yezek hag meus betro de, d'or prezegen o gantan dipede ar gwezh a jul gwezh meus be kalz oblijadur ka o, o spered lem moa hag o brezon hag ar ampar doa hag bon setu eet nan an bremañ. Kleud ebet an war ar kabe spenovezh. Bon. Trise glaso, ba, bladoville père, oa bécrou de nabrad allemand, oa RKV, hender brezan, gant Josette Duvivier, hag, bon, dustu oa bégret terlo d'un, velvégret bremañ. A oa l'air, moa, gant Josette, moa gret perrugen abad, a oa l'air, om skrog ganar, Morgan, à Waller, Grandan le Brigand, à Gadar et Gandar. À Setu, au Blasso, moi, un rôle de Bazani Gouden, Nabaden Pemkan. À Wa Bid Kaljadu de Mignonne de Tevel, à Wa de Gamber Pers, à Ziwa Brau. À Wallerid, même que Get Tree Dower. Do a bad en hanter kan, met do ugen zo gren me mestra boe. Bon, pi kom bon tom de spesone e bavro, Marcel en douche de Zbourvriak, zo ed war war houarn war hen Barcelone en del, hag ba de pempe war a mis me vo ba Barcelone, hag zen eus gred evit zer e an tamer an vid strolad ou ar awardro ur lem jom de sko en nan. Marcel en douche ne seis la seite gla a trug an. Hag aliz e beklet ba, ba RKB, ya ya dondor a vej nam zor de RKB, quoi. Bon, setu NDL roaz ba, ba hasel nevi oa, oa bod do spendou an dud de gand oa de de zons à l'ensemble, selon Luisac Suniard, assez. En une corne de. Quand on a un dollar, yo. Zone en Amérique. Zone en Amérique, ya. Hag bon, zezo plijus gwell en mestra veget trao, hein. Un dro d'ar brezon hag ad ar c'hant, ka ur mar e bon mar tristidig an tom en trao. Wardach en ar brezon hag. Me mestra blan me vo gred, wardach en ar brezon hag, vo gred gwell broa de l'ar brezon hag. Hag ba lant gronet, vo gred blan me. Bon, ze oa bekrou et pelzo, a vej o vek gret, vej o vek gret, met ra deux de. A vraiment me zang vo gret bebeg bla. Gant ar edad, o vej o bla, o ged ar edad, hag o bla el vo gret gwell breoa de la brezon. A ze zo mat, der an trao, war a dache de brezon. Bon, setu mem gen on tom tro de spesso neve bavro. Kenon, Eri. Ja, tienon, Morgane.